Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Mais là, en ce moment, on vous présente les meilleurs moments de la semaine du 4 octobre d'Assemblage requis. Voici un instant classique. C'est quoi? Ton émission de poésie qui a duré une semaine, tu sais. Une semaine qui a duré peut-être, c'est quoi, une heure, je pense? Ça avait l'air d'un an, mais en fait, c'était juste une heure. Ça ne voulait pas se terminer. Tiens. Oh! Chanson. Hey, moi aussi, je veux. Hey, quoi? Ouais, non, vas-y. Non, en premier. Mathieu Plante. Professionnel ici. Vas-y. C'est toi qui rit en premier, donc c'est toi qui y vas. Ah, on devrait faire des concours de barbichette en nombre. Oui. Ce serait plus intéressant que ce qu'on vient de faire là pendant comme 5 minutes. Déjà dans le mois d'octobre, ça va très très vite. À la fin du mois, il y a toujours l'Halloween, vous le savez. On va se déguiser. Attends, je vais partir le bulletin de nouvelles, mais on va pouvoir leur dire. Bon, excuse-moi, je voulais pas t'offusquer. Bon, ça y est, tu m'as fait offusquer. Je suis fâché. On va laisser découvrir aux gens tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. À quelle heure? Tout à l'heure. C'est à quelle heure, ça? C'est tantôt, là. Tantôt? Tu m'énerves. Oui, vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées en compagnie de François-Olivier Marchand et de Mathieu Plante. Le Mathieu Plante. Tu répètes tout le temps le « et de Mathieu Plante » à la fin de la phrase, c'est drôle. J'aime ton nom. T'es fin, moi aussi, je l'aime bien ton nom. C'est pas vrai. Ah! Ah! Ah! Que t'aimes mon nom. Ah! Sors-nous un peu de notre cocon. Ouais, ben, mais donne-nous pas la grippe. Non, c'est ça, reste loin. Non. Malheureusement, Mathieu Plante est toujours là. Ouais. Je combattis avec vous, cher requin. Pauvre vous. Je suis très excité, tu me vois-tu. Fouing! Ah, fouing! Gomme. Je l'avais même pas vu venir. Ah, t'es carré. Lui, c'est Mathieu Plante, celui que vous entendez toujours en premier, parce qu'il ne veut pas me laisser parler. Ah, mais un jour, je te laisserai voler tel un oiseau de tes propres ailes dans le nid de la vie. Dans le nid, dans un nid coucou. Bon retour, deuxième heure avec Émilie Gauthier tantôt qui va s'en venir avec sa collègue Pénard. Veux-tu sortir avec moi? Elle arrive en cadeau toutes les semaines, donc c'est normal que ce soit vers la fin de l'émission. Elle rame, oui. Sérieusement, ça me surprend que... Qu'on ait réussi à avoir quelqu'un d'aussi brillant sur nos ondes, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Tu es en train de le dire que je suis poche, là? Ouais. Pas de job pour ça, non. Non. Voilà. Donc, Mathieu Plante nous coûte assez cher. Ben oui, c'est ça. Quel fardeau d'avoir un Mathieu Plante ici. C'est un beau défi. Faut l'apprivoiser. Éducation spécialisée. Quasi-perfection. Oui. T'avais compris? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on me dit, puis c'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on me dit. Ah, Mathieu Plante, tu es parfait. Merci beaucoup. C'est une joke. On tient en nombre. Hey. Prends repos. Prends patapon. Hein? Prompon. Prompon. Prou, prou. Prou, prou, prou. Prou, prou. Ouais, c'est peut-être ça qu'ils disent. Prompon. Ça marche avec qui? Radio où il y a tolérance zéro sur la peau. Non, on n'a pas eu moyen. C'est ça. Ça va moyen. J'ai raté mon intro, Mathieu, et je pense que tu t'en es rendu compte. Mais non, mais c'est faut que t'apprennes, François, à commencer l'émission. Sinon, j'ai l'impression que je te mène par le bout de quelque chose, là. Par le bout de quoi? Par le bout de quelque chose. Un jeu. On va jouer. Et on va jouer. C'est super. Tu me diras ce que t'en penses après, François. OK. Oui. OK. Arc. T'as eu déjà ça? Hein? Ouf. Et non. Moi aussi, j'en ai une nouvelle. Nanana. Hey, toi, mon petit Boswell. Bon, ça a fait le tour d'Internet. Après ça, ça a été à Denis Lévesque. Là, c'est enfin, hier, arrivé à C'est fou. Ouais. Puis là, maintenant, whoop, là, ça explose. Et celui que vous entendez tout le temps parce qu'il ne veut pas se la fermer, Mathieu Plante. Pedro! El paso! Oh, el paso, si, si! Que calor! Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées en ce jeudi 7 octobre 2010, 7h14. Mon nom est Mathieu Plante. Ah, y a personne pour me répondre. Ah, je me sens seul. Ah, le studio est donc bien vide. Caroline, regarde-moi ça. Hey, j'avais jamais remarqué qu'il y avait un babillard, là. Tu dis lundi? Non, mardi. T'as dit lundi, mais après ça, tu t'es repris parce que lundi, vous allez pouvoir dormir. Oui, pour faire changement. Oui, il faut garder ces petites journées de congé, là. Ben oui, il y en a pas beaucoup dans l'année. Non. C'est pas comme au primaire ou au secondaire où à chaque deux semaines, t'as un congé, là. Effectivement. Et voilà. C'est quoi lundi déjà? C'est l'action de grâce. Ah, Colin, m'allait faire ma grâce matinée. Oh, premier à faire ce jeu de mots là. Tu sors à la pêche aux petits poissons des genoux, tu vas-tu la. Je suis jamais allé, mais c'est un de mes rêves en fait, parce que tu sais, moi, m'asseoir dans une cabane avec bien de la bière puis boire toute la journée en attendant des petits poissons que je mangerais même pas, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, c'était les meilleurs moments d'assemblage hockey pour la semaine du 4 octobre 2010. Une semaine mouvementée, je dirais. Ah, c'était très bon, comme toujours. Il y avait des petits relâchements, je trouve. Ah, c'était très drôle. C'était cocasse pour nous, live en studio, en tout cas. Pas pour vous autres. Tolérance zéro, Mathieu. Sur la poudre. Sur la poudre. Zéro poudre. Même l'hiver, nous, on bannit ça. Pas le droit. Donc, c'était l'assemblage requis. Puis, c'est du lundi au jeudi, entre 7h et 9h, avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Et moi-même de temps en temps. Ben oui, t'es là le lundi d'ailleurs. Oui, et sauf des fois le mardi quand j'ai pas de grippe. Ouais, c'est mardi, est-ce que tu vas avoir envie de faire tes sorties spectacles aussi parce qu'il y a pas d'émission lundi là. Je ferai les deux. Eh oui. Je vais faire les deux mardi. D'accord. Donc on se retrouve mardi à 7h.